La projection du film coréen consacré à la journée du soleil a eu lieu jeudi au cinéma de Taedongmun à Pyongyang. Y ont été invités les membres des missions diplomatiques et des institutions internationales en Corée. Y ont également pris part les officiels intéressés, les cinéastes, etc. Les spectateurs ont vu le film coréen « Diplôme » qui montre la lutte héroïque des premiers diplômés de l'université Kim Il-sung qui ont fait les études supérieures entourés des affections et soins particuliers du président Kim Il-sung qui a fait fonder la première grande école du peuple à la patrie libérée.